Et maintenant, je vous annonce que vous venez de parcourir le chemin de la découverte, un espace qui relie patrimoine et nature. Cette promenade vous a permis de prendre du recul sur la ville et d'observer son implantation dans le paysage. Depuis certains points de vue, on comprend mieux comment Mel s'est développée au fil des siècles, en s'adaptant à son relief et en utilisant les ressources naturelles environnantes. Ce chemin rappelle que la ville n'est pas seulement composée de belles églises, mais qu'elle est aussi profondément liée à son environnement. Nature et patrimoine se complètent ici pour raconter une histoire commune. En marchant, vous avez peut-être remarqué le calme, la végétation et les perspectives sur les bâtiments historiques. Ce contraste entre espace naturel et architecture fait le charme de Mel. Votre balade continue maintenant vers l'église Saint-Pierre, prochaine étape de votre belle découverte.